Chapitre 29 Réunions et sociétés spirites. Des réunions en général, des sociétés proprement dites, sujet d'étude, rivalité entre les sociétés. Des réunions en général. 324. Les réunions spirites peuvent avoir de très grands avantages en ce qu'elles permettent de s'éclairer par l'échange réciproque des pensées, par les questions et les remarques que chacun peut faire et dont tout le monde profite. Mais, pour en retirer tous les fruits désirables, elles requièrent des conditions spéciales que nous allons examiner, car on aurait tort de les assimiler aux sociétés ordinaires. Du reste, les réunions étant des tout collectifs, ce qui les concerne est la conséquence naturelle des instructions précédentes. Elles ont à prendre les mêmes précautions et à se préserver des mêmes écueils que les individus. C'est pourquoi nous avons placé ce chapitre en dernier. Les réunions spirites ont des caractères très différents suivant le but qu'on s'y propose, et leur condition d'être doit, par cela même, différer aussi. Selon leur nature, elles peuvent être frivoles, expérimentales ou instructives. 325. Les réunions frivoles se composent de personnes qui ne voient que le côté plaisant des manifestations, qui s'amusent des facéties des esprits légers, très amateurs de ces sortes d'assemblées, où ils ont toute liberté de se produire, et ils ne s'en font pas faute. C'est là qu'on demande toutes sortes de banalités, qu'on se fait dire la bonne aventure par les esprits, qu'on met leur perspicacité à l'épreuve pour deviner l'âge, ce qu'on a dans la poche, dévoiler de petits secrets, et mille autres choses de cette importance. Ces réunions sont sans conséquence, mais, comme les esprits légers sont parfois très intelligents, et qu'ils sont en général d'humeur facile et joviale, il s'y produit souvent des choses fort curieuses dont l'observateur peut faire son profit. Celui qui n'aurait vu que cela et jugerait le monde des esprits d'après cet échantillon s'en ferait une idée aussi fausse que celui qui jugerait toute la société d'une grande ville par celle de certains quartiers. Le simple bon sens dit que les esprits élevés ne peuvent venir dans de telles réunions, où les spectateurs ne sont pas plus sérieux que les acteurs. Si l'on veut s'occuper de choses futiles, il faut franchement appeler des esprits légers, comme on appellerait des baladins pour amuser une société. Mais il y aurait profanation à y convier des non-vénérés, à mêler le sacré et le profane. 326. Les réunions expérimentales ont plus spécialement pour objet la production des manifestations physiques. Pour beaucoup de personnes, c'est un spectacle plus curieux qu'instructif. Les incrédules en sortent plus étonnés que convaincus quand ils n'ont pas vu autre chose, et toute leur pensée est tournée vers la recherche des ficelles, car ne se rendant compte de rien, ils supposent volontiers des subterfuges. Il en est tout autrement de ceux qui ont étudié. Ils comprennent d'avance la possibilité et des faits positifs déterminent ensuite ou achèvent leur conviction. S'il y avait subterfuge, ils seraient à même de le découvrir. Nonobstant cela, ces sortes d'expérimentations ont une utilité que personne ne saurait méconnaître, car ce sont elles qui ont fait découvrir les lois qui régissent le monde invisible. Et, pour beaucoup de gens, elles sont, sans contredit, un puissant motif de conviction. Mais nous maintenons que seules, elles ne peuvent pas plus initier la science spirite que la vue d'un ingénieux mécanisme ne peut faire connaître la mécanique, si l'on n'en connaît pas les lois. Toutefois, si elles étaient dirigées avec méthode et prudence, on en obtiendrait de bien meilleurs résultats. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce sujet. 327. Les réunions instructives ont un tout autre caractère. Et comme ce sont celles où l'on peut puiser le véritable enseignement, nous insisterons davantage sur les conditions qu'elles doivent remplir. La première de toutes, c'est de rester sérieuse dans toute l'acception du mot. Il faut bien se persuader que les esprits auxquels on veut s'adresser sont d'une nature toute spéciale, que le sublime ne pouvant s'allier au trivial, ni le bien au mal, si l'on veut obtenir de bonnes choses, il faut s'adresser à de bons esprits. Mais il ne suffit pas de demander de bons esprits. Il faut, de condition expresse, être dans des conditions propices pour qu'ils veuillent bien venir. Or, des esprits supérieurs ne viendront pas plus dans les assemblées d'hommes légers et superficiels qu'ils n'y seraient venus de leur vivant. Une société n'est vraiment sérieuse qu'à la condition de s'occuper de choses utiles à l'exclusion de tout autre. Si elles aspirent à obtenir des phénomènes extraordinaires par curiosité ou par passe-temps, les esprits qui les produisent pourront venir, mais les autres s'en iront. En un mot, quel que soit le caractère d'une réunion, elle trouvera toujours des esprits disposés à seconder ses tendances. Une réunion sérieuse s'écarte donc de son but si elle quitte l'enseignement pour l'amusement. Les manifestations physiques, comme nous l'avons dit, ont leur utilité. Que ceux qui veulent voir aillent dans les réunions expérimentales, que ceux qui veulent comprendre aillent dans les réunions d'études. C'est ainsi que les uns et les autres pourront compléter leur instruction spirite. Comme dans l'étude de la médecine, les uns vont au cours et les autres à la clinique. 328. L'instruction spirite ne comprend pas seulement l'enseignement moral donné par les esprits, mais bien encore l'étude des faits. C'est à elle qu'incombe la théorie de tous les phénomènes, la recherche des causes et comme conséquence la constatation de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. En un mot, l'observation de tout ce qui peut faire avancer la science. Or, ce serait se méprendre de croire que les faits soient limités aux phénomènes extraordinaires, que ce qui frappe le plus les sens soit seul digne d'attention. On en rencontre à chaque pas dans les communications intelligentes et que des hommes réunis pour l'étude ne sauraient négliger. Ces faits, qu'il serait impossible d'énumérer, surgissent d'une foule de circonstances fortuites. Quoique moins saillants, ils n'en sont pas moins du plus haut intérêt pour l'observateur qui y trouve ou la confirmation d'un principe connu ou la révélation d'un principe nouveau qui le fait pénétrer plus avant dans les mystères du monde invisible. C'est aussi là de la philosophie. 329. Les réunions d'études sont en outre d'une immense utilité pour les médiums à manifestation intelligente, pour ceux surtout qui ont un désir sérieux de se perfectionner et qui n'y viennent pas avec une sotte présomption d'infaillibilité. Un des grands écueils de la médiumnité, c'est comme nous l'avons dit, l'obsession et la fascination. Ils peuvent donc se faire illusion de très bonne foi sur le mérite de ce qu'ils obtiennent. Et l'on conçoit que les esprits trompeurs ont leur coudée franche quand ils n'ont affaire qu'à un aveugle. C'est pour cela qu'ils éloignent leur médium de tout contrôle, qu'au besoin même, ils lui font prendre en aversion quiconque pourrait l'éclairer. À la faveur de l'isolement et de la fascination, ils peuvent aisément lui faire accepter tout ce qu'ils veulent. Nous ne saurions trop le répéter. Là est non seulement l'écueil, mais le danger. Oui, nous le disons, un véritable danger. Le seul moyen d'y échapper, c'est le contrôle de personnes désintéressées et bienveillantes qui, jugeant les communications avec sang-froid et impartialité, peuvent lui ouvrir les yeux et lui faire apercevoir ce qu'il ne peut voir lui-même. Or, tout médium qui redoute ce jugement est déjà sur la voie de l'obsession. Celui qui croit que la lumière n'est faite que pour lui est complètement sous le joug. S'il prend en mauvaise part les observations, s'il les repousse, s'il s'en irrite, il ne peut y avoir de doute sur la mauvaise nature de l'esprit qui l'assiste. Nous l'avons dit, un médium peut manquer des connaissances nécessaires pour comprendre les erreurs. Il peut se laisser abuser par de grands mots et un langage prétentieux, être séduit par des sophismes, et cela de la meilleure foi du monde. C'est pourquoi, à défaut de ses propres lumières, il doit modestement avoir recours à celles des autres. selon ces deux adages, que quatre yeux voient mieux que deux, et qu'on n'est jamais bon juge dans sa propre cause. C'est à ce point de vue que les réunions sont pour le médium d'une très grande utilité. S'il est assez sensé pour écouter les avis, parce que là se trouveront des personnes plus clairvoyantes que lui, qui saisiront les nuances souvent si délicates par où l'esprit trahit son infériorité. Tout médium qui désire sincèrement n'être pas le jouet du mensonge doit donc chercher à se produire dans les réunions sérieuses et y apporter ce qu'il obtient en particulier. Accepter avec reconnaissance, solliciter même l'examen critique des communications qu'il reçoit, s'il est en butte à des esprits trompeurs, c'est le plus sûr moyen de s'en débarrasser en leur prouvant qu'ils ne peuvent l'abuser. Le médium d'ailleurs, qui s'irrite de la critique, est d'autant plus mal fondé que son amour-propre n'est nullement engagé, puisque ce qu'il dit n'est pas de lui, et qu'il n'en est pas plus responsable que s'il lisait les vers d'un mauvais poète. Nous avons insisté sur ce point, parce que si c'est là un écueil pour les médiums, c'en est un aussi pour les réunions auxquelles il importe de ne pas accorder légèrement confiance à tous les interprètes des esprits. Le concours de tout médium obsédé ou fasciné leur serait plus nuisible qu'utile. Elles doivent donc ne pas l'accepter. Nous pensons être entrés dans des développements suffisants pour qu'il leur soit impossible de se méprendre sur les caractères de l'obsession. Si le médium ne peut la reconnaître lui-même, un des plus saillants est sans contredit la prétention d'avoir seule raison contre tout le monde. Les médiums obsédés qui ne veulent pas en convenir ressemblent à ces malades qui se font illusion sur leur santé et se perdent faute de se soumettre à un régime salutaire. 330. Ce qu'une réunion sérieuse doit se proposer, c'est d'écarter les esprits menteurs. Elle serait dans l'erreur si elle se croyait à l'abri par son but et par la qualité de ses médiums. Elle n'y parviendra qu'autant qu'elle sera elle-même dans des conditions favorables. Pour bien comprendre ce qui se passe en cette circonstance, nous prions de vouloir bien se reporter à ce que nous avons dit plus haut, au numéro 231, sur l'influence du milieu. Il faut se représenter chaque individu comme entouré d'un certain nombre d'acolytes invisibles qui s'identifient avec son caractère, ses goûts et ses penchants. Donc, toute personne qui entre dans une réunion amène avec elle des esprits qui lui sont sympathiques. Selon leur nombre et leur nature, ces acolytes peuvent exercer sur l'assemblée et sur les communications une influence bonne ou mauvaise. Une réunion parfaite serait celle dont tous les membres, animés d'un égal amour du bien, n'amèneraient avec eux que de bons esprits. À défaut de la perfection, la meilleure sera celle où le bien l'emportera sur le mal. Ceci est trop logique pour qu'il soit nécessaire d'insister. 331. Une réunion est un être collectif dont les qualités et les propriétés sont la résultante de toutes celles de ses membres et forment comme un faisceau. Or, ce faisceau aura d'autant plus de force qu'il sera plus homogène. Si l'on a bien compris ce qui a été dit, numéro 282, question 5, sur la manière dont les esprits sont avertis de notre appel, on comprendra facilement la puissance de l'association de la pensée des assistants. Si l'esprit est en quelque sorte frappé par la pensée comme nous le sommes par la voix, 20 personnes s'unissant dans une même intention auront nécessairement plus de force qu'une seule. Mais pour que toutes ces pensées concourent vers le même but, il faut qu'elles vibrent à l'unisson. Qu'elles se confondent, pour ainsi dire, en une seule, ce qui ne peut avoir lieu sans le recueillement. D'un autre côté, l'esprit arrivant dans un milieu complètement sympathique y est plus à son aise. N'y trouvant que des amis, il y vient plus volontiers et il est plus disposé à répondre. Quiconque a suivi avec quelque attention les manifestations spirites intelligentes a pu se convaincre de cette vérité. Si les pensées sont divergentes, il en résulte un choc d'idées désagréable pour l'esprit et par conséquent nuisible à la manifestation. Il en est de même d'un homme qui doit parler dans une assemblée. S'il sent toutes les pensées lui être sympathiques et bienveillantes, l'impression qu'il en reçoit réagit sur ses propres idées et leur donne plus de verve. L'unanimité de ce concours exerce sur lui une sorte d'action magnétique qui décuple ses moyens, tandis que la différence ou l'hostilité le trouble et le paralyse. C'est ainsi que les acteurs sont électrisés par les applaudissements. Or, les esprits, bien plus impressionnables que les humains, doivent subir bien mieux encore l'influence du milieu. Toute réunion spirite doit donc tendre à l'homogénéité la plus grande possible. Il est bien entendu que nous parlons de celles qui veulent arriver à des résultats sérieux et vraiment utiles. Si l'on veut simplement obtenir des communications quand même, sans s'inquiéter de la qualité de ceux qui les donnent, il est évident que toutes ces précautions ne sont pas nécessaires, mais alors il ne faut pas se plaindre de la qualité du produit. 332. Le recueillement et la communion de pensée étant des conditions essentielles de toute réunion sérieuse, on comprend que le trop grand nombre des assistants doit être une des causes les plus contraires à l'homogénéité. Il n'y a certes aucune limite absolue à ce nombre, et l'on conçoit que 100 personnes, suffisamment recueillies et attentives, seront dans de meilleures conditions que 10 qui seraient distraites et bruyantes. Mais il est évident aussi que plus le nombre est grand, plus ces conditions sont difficiles à remplir. C'est d'ailleurs un fait prouvé par l'expérience que les petits cercles intimes sont toujours plus favorables aux belles communications, et cela par les motifs que nous avons développés. 333. Il est encore un autre point qui n'est pas moins nécessaire, c'est la régularité des réunions. Dans toutes, il y a toujours des esprits qu'on pourrait appeler des habitués. Et nous n'entendons pas par là ces esprits qui se trouvent partout et se mêlent de tout. Ce sont soit des esprits protecteurs, soit ceux que l'on interroge le plus souvent. Il ne faut pas croire que ces esprits n'aient autre chose à faire que de nous écouter. Ils ont leur occupation et peuvent d'ailleurs se trouver dans des conditions défavorables pour être évoqués. Quand les réunions ont lieu à jour et heure fixe, ils se disposent en conséquence, et il est rare qu'ils y manquent. Il en est même qui poussent la ponctualité à l'excès. Ils se formalisent d'un quart d'heure de retard, et s'ils assignent eux-mêmes le moment d'un entretien, on les appellerait en vain quelques minutes plus tôt. Ajoutons, toutefois, que bien que les esprits préfèrent la régularité, ceux qui sont vraiment supérieurs ne sont pas méticuleux à ce point. L'exigence d'une ponctualité rigoureuse est un signe d'infériorité, comme tout ce qui est puéril. En dehors des heures consacrées, ils peuvent sans doute venir, et ils viennent même volontiers si le but est utile. Mais rien n'est plus nuisible aux bonnes communications que de les appeler à tort et à travers, quand la fantaisie nous en prend, et surtout sans motif sérieux. Comme ils ne sont pas tenus de se soumettre à nos caprices, ils pourraient bien ne pas se déranger, et c'est alors surtout que d'autres peuvent prendre leur place et leur nom. Des sociétés proprement dites. 334. Tout ce que nous avons dit sur les médiums en général s'applique naturellement aux sociétés régulièrement constituées. Celles-ci, cependant, ont à lutter contre quelques difficultés spéciales qui naissent du lien même qui unit les membres. Des avis nous ayant été plusieurs fois demandés sur leur organisation, nous les résumerons ici en quelques mots. Le spiritisme qui naît à peine est encore trop diversement apprécié, trop peu compris dans son essence par un grand nombre d'adeptes pour offrir un lien puissant entre les membres de ce qu'on pourrait appeler une association. Ce lien ne peut exister qu'entre ceux qui en voient le but moral, le comprennent et se l'appliquent à eux-mêmes. Entre ceux qui n'y voient que des faits plus ou moins curieux, il ne saurait y avoir un lien sérieux, mettant les faits au-dessus des principes. Une simple divergence dans la manière de les envisager peut les diviser. Il n'en est pas de même des premiers, car, sur la question morale, il ne peut exister deux manières de voir. Aussi est-il à remarquer que partout où ils se rencontrent, une confiance réciproque les attire les uns vers les autres. La bienveillance mutuelle qui règne entre eux bannit la gêne et la contrainte qui naissent de la susceptibilité, de l'orgueil qui se froisse de la moindre contradiction, de l'égoïsme qui rapporte tout à soi. Une société où de tels sentiments régneraient sans partage, où l'on se réunirait dans le but de venir s'instruire aux enseignements des esprits et non dans l'espérance de voir des choses plus ou moins intéressantes, ou, pour faire prévaloir son opinion, une telle société, disons-nous, serait non seulement viable, mais indissoluble. La difficulté de réunir encore de nombreux éléments homogènes à ce point de vue nous porte à dire que, dans l'intérêt des études et pour le bien de la chose même, les réunions spirites doivent viser à se multiplier par petits groupes plutôt qu'à chercher à se constituer en grandes agglomérations. Ces groupes correspondant entre eux, se visitant, se transmettant leurs observations, peuvent dès à présent former le noyau de la grande famille spirite qui ralliera un jour toutes les opinions et unira les hommes dans un même sentiment de fraternité, scellé par la charité chrétienne. 335. Nous avons vu de quelle importance est l'uniformité de sentiment pour l'obtention de bons résultats. Cette uniformité est nécessairement d'autant plus difficile à obtenir que le nombre est plus grand. Dans les petits comités, on se connaît mieux, on est plus sûr des éléments que l'on y introduit. Le silence et le recueillement y sont plus faciles et tout s'y passe comme en famille. Les grandes assemblées excluent l'intimité par la variété des éléments dont elles se composent. Elles exigent des locaux spéciaux, des ressources pécuniaires et un appareil administratif inutile dans les petits groupes. La divergence des caractères, des idées, des opinions s'y dessine mieux et offre aux esprits brouillons plus de facilité pour y semer la discorde. Plus la réunion est nombreuse, plus il est difficile de contenter tout le monde. Chacun voudrait que les travaux fussent dirigés à son gré, qu'on s'occupât de préférence des sujets qui l'intéressent le plus. Quelques-uns croient que le titre de sociétaire leur donne le droit d'imposer leur manière de voir. De là, les tiraillements, une cause de malaise qui amène tôt ou tard la désunion, puis la dissolution, sort de toutes les sociétés, quel qu'en soit l'objet. Les petits comités ne sont pas sujets aux mêmes fluctuations. La chute d'une grande société serait un échec apparent pour la cause du spiritisme, et ses ennemis ne manqueraient pas de s'en prévaloir. La dissolution d'un petit groupe passe inaperçue. Et d'ailleurs, si l'un se disperse, 20 autres se forment à côté. Or, 20 groupes de 15 à 20 personnes obtiendront plus et feront plus pour la propagation qu'une assemblée de 300 à 400 personnes. On dira sans doute que les membres d'une société qui agirait comme nous venons de le dire ne seraient pas de vrais spirites, puisque le premier devoir qu'impose la doctrine, c'est la charité et la bienveillance. Cela est parfaitement juste. Aussi, ceux qui pensent ainsi sont-ils spirites de nom plutôt que de fait. Ils n'appartiennent assurément pas à la troisième catégorie, voire le numéro 28. Mais qui dit que ce sont même des spirites quelconques? Ici se présente une considération qui n'est pas sans gravité. 336. N'oublions pas que le spiritisme a des ennemis intéressés à le contrecarrer et qui voient ses succès avec dépit. Les plus dangereux ne sont pas ceux qui l'attaquent ouvertement, mais ceux qui agissent dans l'ombre. Ceux-ci le caressent d'une main et le déchirent de l'autre. Ces êtres malfaisants se glissent partout où ils espèrent faire du mal. Comme ils savent que l'union est une puissance, ils tâchent de la détruire en jetant des brandons de discorde. Qui dit donc que ceux qui, dans les réunions, sèment le trouble et la zizanie, ne sont pas des agents provocateurs intéressés au désordre? À coup sûr, ce ne sont ni de vrais ni de bons spirites. Ils ne peuvent jamais faire de bien et ils peuvent faire beaucoup de mal. On comprend qu'ils ont infiniment plus de facilité à s'insinuer dans les réunions nombreuses que dans des petits comités où tout le monde se connaît. À la faveur de sourdes menées qui passent inaperçues, ils sèment le doute, la défiance et la désaffection. Sous l'apparence d'un hypocrite intérêt pour la chose, ils critiquent tout, forment des conciliabules et des coteries qui, bientôt, rompent l'harmonie de l'ensemble. C'est ce qu'ils veulent. Vis-à-vis de ces gens-là, faire appel au sentiment de charité et de fraternité, c'est parler à des sourds volontaires, car leur but est précisément de détruire ces sentiments qui sont le plus grand obstacle à leur mener. Cet état de choses fâcheux dans toutes les sociétés, l'est plus encore dans des sociétés spirites, parce que s'il n'amène pas une rupture, il cause une préoccupation incompatible avec le recueillement et l'attention. 336.